days. Happy days. Galaxy. Happy days on Galaxy. Music remains on top. Don't. Save the rhythm. Save the rhythm. FM, Jérémy sur Galaxy. Galaxy. Galaxy. Welcome to the world of music. We'll be right back. Galaxy. Galaxy. Number one for news. For news. Happy days on Galaxy. music. Music remains on top. missing out. Galaxy. Galaxy. Welcome to the world of music. We'll be right back. Music remains on top. Happy days on Galaxy. Thank you. the rhythm. Save the rhythm. We'll be right back. Galaxy. Welcome to the world of music. Thank you. Sound System. Jérémy. Days on Galaxy. music remains on top. Thank you. the rhythm. Save the rhythm. Merci d'avoir bien voulu témoigner en direct de chez vous, de chez Francis. Les actions de la circulation, très simples. Les boîtes de nuit, mesdames et messieurs les jeunes, tenez-vous bien. Interdiction aux boîtes de nuit à 1h du matin, terminée. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-les parler. pas ça. C'est bidon. J'aime pas cette. J'aime pas. Ça fait boum boum boum. C'est pas mon truc. C'est tout. Je suis désolé. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire alors tu vois des chansons. Attends. Il y a que ça. C'est ça pour toi la musique, franchement. Mais attends. Me parle pas comme ça. Sans déconner. Hein, je te jure. Tu me parles pas comme ça. Tu vois. T'es ici pour apprendre ou t'apprends ou tu vas bouffer. Moi, sans déconner, j'ai pas de temps à perdre. Tu vois. Regarde la télévision. Et moi je regarde les animaux et aussi je regarde Jacques Chirac.